Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin et bienvenue à Podmodernisme, le 45e épisode. Bonne fin d'année 2006 tout le monde et prenons une première résolution en ce 45e épisode de Podmodernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Trademark. Eh bien, on va essayer de faire des épisodes plus fréquents et plus court. Alors, au lieu de faire des épisodes épiques de une heure, qui, avons-le, est un téléchargement plutôt lourd, eh bien, on va essayer de faire plusieurs épisodes d'une vingtaine, trentaine de minutes afin d'être plus présent sur le site et finalement de vous permettre de vous télécharger du contenu plus fréquemment et un peu moins lourd pour votre baladeur MP3 ou votre ordinateur. Débutons dès maintenant. Avec un peu de rock, on va avoir entre autres du Burning Heads, formation française qui reprennent les vulgaires machins. C'est tiré d'un maxi lancé il y a quelques années qui s'appelait Crossing the Bridge. C'est un maxi split où les vulgaires machins reprenaient eux des pièces des Burning Heads et même, oh là là, chantaient en anglais. On va aussi avoir du Bionic, du Panache, mais avant, une pièce que les auditeurs des Québec peuvent entendre lors de l'émission La Descente du Lit, jouée sur les ondes de la radio Shiz. La pièce s'appelle La Descente du Lit et c'est chanté par l'excellente formation punk rock La Descente du Coude. Comme ceci. Cause the devil lives behind the sun. Stay away. Countdown 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everybody knows that the sky is Refrain, la musique marche, c'est l'overdose dans tous les poches. c'était les Burning Heads avec une reprise des Vulgaires Machins, Anesthésie. Un peu avant, on avait Bionic avec la pièce Black Blood, l'album qui devrait porter le même nom s'en vient très bientôt. On avait aussi un groupe que j'ai découvert sur MySpace qui s'appelle Panache, c'était la pièce Poisson. Et on a débuté avec l'excellente La Descente du Lit de La Descente du Coude. Prochain concert du combo, c'est le 18 janvier prochain au Divan Orange en compagnie des non moins explosifs Bandes de Garage. On va poursuivre de maintenant avec des trucs plus ou moins électro-rock. On va avoir entre autres du Johnny Five, on va aussi avoir du Numéro, on va aussi avoir une reprise de Filles à Plumes, un remix plutôt, de Filles à Plumes de Malajube. Mais avant, on va y aller avec un autre remix d'une pièce rock bien connue. Je parle bien sûr de L'Attaque du groupe Les Chiens. C'est le remix des Jardiniers. L'oreille au creux de la nuit avec les poings qui serrent. J'ai reconnu l'ennemi qui redéclare la guerre. Je suis tout seul ici, il n'y a rien à faire. Pour me sauver la vie, je me mets à la terre. C'est pas une crise de cœur, c'est juste un manque d'amour. Mon âme est dans le cloaque où elle se trouve toujours. Au moment où l'attaque éclate dans tes tours. Si t'avais été là, ça m'arriverait pas. Je t'ai sauvé ça, je t'ai sauvé ça. Si tu lançais moi, je m'en remettrais pas. Je t'ai sauvé ça, je t'ai sauvé ça. C'est pas parce qu'on le mérite qu'on doit y avoir droit. Au malheur qui gravite encore autour de moi. Tout le satellite a pris pour compter sur tes doigts. Un peu de dynamite pourrait arranger ça.

C'était Johnny Five avec Aimer être con. Un peu avant, on avait Numéro avec J'aime la bourgeoisie. Malajube avec le remix de Fille à plumes. Et on a débuté avec Les chiens, c'était L'attaque, le remix des jardiniers. C'est tout pour moi, on se reprendra très bientôt pour le 46e épisode. En attendant, je vous laisse avec une trouvaille de ce matin. Il y a le site Stereogum, un blog très populaire aux États-Unis, qui rapportait il y a quelques jours que l'étiquette Arcade Fire Merge a comme, entre guillemets, commis une petite gaffe en mettant à la disposition des internautes la pièce Intervention, qui bien sûr on a entendu au cours des dernières semaines, tous les blogs en ont parlé à peu près, en téléchargement sur iTunes et les personnes l'achetant pour un moindre coût. Les profits des ventes allaient à une œuvre de charité choisie par la formation. Mais voilà que si on téléchargeait cette pièce, on ne se retrouvait pas avec Intervention, mais avec une nouvelle pièce qui s'appelle Black Wave Bad Vibrations. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille d'aller sur le site de la formation où est-ce qu'il y a plus de détails sur cette pièce et aussi un lien, disons que vous vous sentez cheap de la télécharger. Si vous la trouvez et que vous n'avez pas contribué à cette bonne cause, eh bien, il y a un lien aussi vers cette cause caritative. En attendant, pour ceux qui voudraient entendre du nouveau matériel d'Arcade Fire, on va terminer ce 45e épisode avec la fameuse Black Wave Bad Vibrations. Si vous voulez me rejoindre, entre-temps, je m'appelle André Péloquin. Allô! Et on peut me rejoindre au pod modernisme, podmodernisme, @gmail.com. .com. Il y a un blog aussi qui est associé à cette balado diffusion. Si vous n'avez pas le lien, disons que vous le téléchargez d'ailleurs que le site, eh bien c'est le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. À très bientôt tout le monde et joyeux 2007, etc. Oui.